Villa Giacinta par André Theuriet. La vue d'une glycine dont les grappes épanouies se balançaient, longues et molles, au-dessus d'un mur de clôture, a soudain évoqué pour moi le lac de Côme et un site printanier des environs de Bellagio. Une longue et large pelouse qui part de la route de Civena, court entre deux terrasses jusqu'à un village de pêcheurs perché au-dessus du lac, et aboutit à la Villa Giacinta, dont on aperçoit la blanche loggia entre des massifs de platanes. Les murs des terrasses étaient en avril tapissés de glycines en fleurs, et pendant un bon kilomètre, la pelouse qui les séparait allongeait son tapis vert semé de boutons d'or. Cette jeune verdure, mariée aux tendres nuances des grappes d'un lilas mauve, donnait une impression de renouveau qui vous réveillait le cœur. Il s'en exhalait une amoureuse odeur de sève remontante. Ce fut là qu'un soir de mai 1890 et quelques, mon ami Urbain rencontra pour la première fois la contessina Laura Taccioli, qui habitait la Villa Giacinta. Urbain était un peintre qui faisait son voyage d'Italie. Le délicieux paysage de Bellagio avait enthousiasmé ses 25 ans, et il avait résolu de séjourner au bord de ce lac merveilleux, dont les eaux bleues et les verdures fleuries le retenaient comme d'enchanteresses sirènes. La contessina vivait depuis plusieurs mois séparée du comte Taccioli, qu'elle n'aimait guère, et que le gouvernement italien avait chargé d'une mission en Égypte. Encore qu'elle ne regrettât que modérément ce mari absent, elle avait jugé convenable, pendant ce veuvage momentané, de se retirer à la Villa Giacinta où elle commençait à s'ennuyer ferme. Elle entrait à peine dans sa 24e année, et elle était jolie. Deux conditions qui n'aident guère une femme à supporter stoïquement la retraite, et à se contenter des honnêtes plaisirs que donne le spectacle de la belle nature, même quand cette nature possède le charme de Bellagio. Lorsqu'après avoir contemplé les arbres, les montagnes et l'eau bleue, Laura se regardait dans son miroir, elle trouvait que sa beauté valait celle du lac, et qu'il était vraiment dommage qu'elle s'épanouît dans la solitude. La contessina était élancée et svelte comme une Diane chasseresse. Ses cheveux frisottaient autour de son front en d'abondantes boucles châtaines. Ses yeux bruns étincelaient, l'ovale de son visage, les lignes de sa bouche offraient avec les vierges de Luini cette ressemblance qu'on rencontre souvent chez les Milanaises. Elle était sensuelle et aimait d'autant mieux le plaisir que sur ce point son mari ne l'avait jamais gâtée. Deux raisons de plus pour que l'isolement lui pesât. Il lui eût pesé davantage encore si elle n'eût été retenue par la crainte de la damnation éternelle. Mais, étant fort pieuse, elle tâchait de se consoler en offrant à Dieu son ennui et en le priant de la défendre contre les tentations. Donc, ce soir de mai, elle revenait précisément d'une station à l'église Santo Giovanni, lorsque, non loin de chez elle, elle remarqua son ami Urbain assis sur son pliant et brossant une étude de la Villa Giacinta, toute blanche au milieu des platanes, dont les lueurs du couchant rougissaient les cimes. Pour peindre, Urbain s'était posé sans façon au beau milieu du chemin, de sorte qu'en passant Laura dut le frôler des plis de sa robe. Il se leva brusquement, et clignant ses yeux éblouis, murmura quelques mots d'excuse, en devinant dans la belle promeneuse cette comtesse Taccioli dont il avait entendu parler. Laura, de son côté, jetait un rapide coup d'œil sur l'étude et sur le peintre. Ce jeune homme brun, bien découplé, à la mine franche et aux yeux d'un bleu foncé, lui fut sur le champ sympathique. Elle coupa court aux excuses en louant le paysage ébauché et en déclarant qu'elle était heureuse que le site de sa villa eût si bien inspiré l'artiste. Elle ajouta que certains coins des jardins de Giacinta foisonnaient en motifs d'études intéressants et qu'elle donnerait des ordres pour que le peintre y eût un libre accès. Comme vous pensez, mon ami usa de la permission et à plusieurs reprises, les jours suivants, la contessina et Urbain eurent l'occasion de se revoir dans les allées de Giacinta. Ces rencontres, qui ne semblaient nullement préméditées, établirent insensiblement entre eux la plus douce intimité. Avec une grâce familière, Laura Taccioli interrogeait l'artiste sur son passé et ses projets d'avenir. Devenue plus confiante à mesure, elle lui laissait à son tour entrevoir ses tristesses et ses ennuis. Le printemps fit le reste, et un beau soir, tandis que la puissante mélodie des rossignols montait dans les magnolias de la villa, tous deux s'avouèrent qu'ils s'aimaient. « Oui, soyez mon ami, » murmura ingénument la contessina, « j'ai besoin de sentir près de moi une amitié tendre et consolante. Jurez-moi que cette amitié restera aussi pure que brûlante, et que nous ne ferons jamais le mal. En même temps, la pieuse et scrupuleuse Laura se promettait in petto qu'elle saurait maintenir une infranchissable barrière entre les exigences possibles de mon ami et la faiblesse de sa chair féminine. Mais quand on a mis un pied sur le chemin de l'amour, peut-on jamais déterminer d'avance le nombre de pas qu'on y risquera et le point précis où l'on pourra s'arrêter? En pareille aventure, les plus sages s'exposent aux mêmes dangers que les plus téméraires, et nos deux amoureux en firent l'humiliante expérience. Un soir que, touchée par les protestations du peintre, elle lui avait généreusement abandonné sa main, Laura fut toute surprise de se complaire dans cette étreinte prolongée, et se trouva ensuite moins forte pour se défendre contre de plus vives effusions. Le lendemain, Urbain sollicita de nouveau l'abandon de sa main, et elle n'osa la lui refuser. Il lui sembla que sa volonté se fondait à la chaleur de cette caresse. Peu à peu, le jeune homme attirait à lui la contessina, et tout à coup posait ses lèvres sur les paupières palpitantes de la jeune femme. Elle resta d'abord étourdie par ce baiser non prévu, et si doux, puis brusquement s'éloigna, honteuse et fâchée. Mais Urbain lui prouvait éloquemment qu'elle donnait à cette privauté une importance imaginaire, et qu'en somme, un baiser sur les yeux n'était ni plus coupable ni plus dangereux qu'un baiser sur la main. Finalement, elle se laissait convaincre et permettait cette nouvelle caresse, à condition que ce serait la dernière. L'amoureux, naturellement, usa de la permission jusqu'au jour où, ayant effleuré de ses lèvres la bouche de Laura Taccioli, il lui tint pour cet acte plus audacieux le même raisonnement à l'aide duquel il avait conquis la licence de lui baiser les yeux. De réchef, elle s'indigna, éclata en reproches et pleura. Il pensa que la meilleure façon de sécher ses larmes était de lui prodiguer de nouveaux baisers, tant et si bien qu'elle les lui rendit, et cela la jeta dans un trouble délicieux. Or, ce même jour, après avoir quitté Urbain, tandis qu'elle rentrait à la villa, toute surexcitée et frémissante, ayant le cœur à la fois tourmenté de scrupules et brûlé de désirs, on lui annonça la visite du chevalier Domenico de Giudicis, un ami du comte Taccioli, en ce moment de passage à Bellagio. Encore qu'elle maudit cette arrivée importune, Laura jugea qu'elle ne pouvait se dispenser de recevoir le chevalier et de le retenir à dîner. Ce Domenico de Giudicis était un célibataire déjà mûr, très viveur, et jouissant d'une réputation méritée d'homme à bonne fortune. Au bout d'une heure de tête-à-tête avec la contessina, son expérience en pareille matière lui fit deviner que la jeune femme se trouvait dans un état psychologique tout à fait propice à une surprise d'essence et, comme il était peu scrupuleux, il résolut de pousser sa pointe. Dès qu'après dîner on les eut laissés seuls dans le salon où tous les parfums de la nuit de mai entraient par les fenêtres ouvertes, il attaqua Laura avec une audacieuse adresse qui lui avait valu déjà tant de succès, et mal préparée pour se défendre, la comtesse ne sut pas résister. La chute fut aussi brusque que lamentable. Le lendemain, lorsqu'Urbain, féru d'amour, franchit le seuil de la villa Giacinta, la concierge lui apprit que la signora contessina était partie dès le matin par le premier bateau. Tandis qu'il demeurait abasourdi de ce coup inattendu, cette femme lui remit une lettre à lui adressée et qu'il déchiffra à grand-peine, tant le choc avait été douloureux. Le billet contenait ces deux lignes d'une écriture à peine lisible. « Je meurs de honte et de douleur. Adieu. Nous ne pouvons plus nous revoir. Oubliez une amie indigne de vous. Laura. » Atterré, Urbain pressa de questions la concierge, et, lui ayant délié la langue à l'aide d'un billet de 20 lires, il fut mis au courant de la visite de Giudicis. Il connaissait le chevalier de réputation, et il devina le reste. Tournant le dos à la villa abandonnée, il parcourut d'un regard désolé ce paysage printanier, qu'il trouvait naguère si adorable. Les glycines, à demi défleuries, balançaient mélancoliquement leurs grappes d'un mauve pâli. Une pluie matinale avait détrempé les pelouses et ennuagé le ciel. Quoique peintre, il avait fait de bonnes études latines. Tout en froissant dans ses doigts le billet de la contessina, il se souvint de ces vers d'Ovide dans l'art d'aimer. Celui qui prend un baiser et ne prend pas autre chose mérite de perdre les faveurs qu'on lui avait accordées. Et Urbain se jura, mais trop tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Ainsi s'achève Villa Giacinta par André Theuriet.